yo kapé mené. Ladies, I wanna know what's the deal, yo mama. Bon garçon éduqué, bon manier, gentleman avec diplôme. C'est pas ça que fait yo marché. Depuis bad boy la parette. Nous déclés. I wanna know what's the deal, yo mama. Calico, go machine, a jumping, go come in, de vos amis, c'est ça qui est important, c'est ça qui est pour yo. Soufa, kabay, tout ça. checker sa pa gen Gucci ou pa gen Rolex mon cher ou chive yo pa checker sa pa on fait balou pa promoteur ti papa yo pa checker